Avant d'entreprendre la lecture de mes 13 textes sur le deuil, je désire tout d'abord vous expliquer le cheminement qui me mène jusqu'à vous. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne le deuil et la fin de vie. Je propose et je crée des outils afin de soutenir la perte sous toutes ses formes. J'aime à dire, comme plusieurs, que j'ai fait l'université de la vie. Vous savez, cette école où on fait le stage avant l'apprentissage. Chaque histoire est unique. Chacune comprend son lot d'épreuves. Disons que les miennes se sont concentrées dans le domaine de la mort. J'ai traversé plus d'une douzaine de deuils de ma famille directe, ce qui m'a permis d'être confrontée au manque de ressources et aux différents tabous reliés au deuil et à la mort. Dans mon parcours empreint de résistance, une phrase que ma mère m'a dite avant de mourir fut déterminante. Karine, si de perdre ta mère te permet de comprendre et d'aider une amie, ce sera beaucoup. À cet âge, je ne saisissais pas la grandeur de ces paroles. Mais déjà, je me disais, si je dois aider à la grandeur de ma peine, je vais aider toute ma vie. J'aime aborder le deuil comme j'aurais aimé en entendre parler. Que se cache-t-il derrière les rideaux? J'aurais aimé savoir que j'étais pas folle de ressentir toutes ces incohérences et toutes ces tornades intérieures. Si j'avais su que cesser de résister me ferait cheminer plus facilement. Si j'avais su. En fait, c'est que si j'avais su, je n'accompagnerais pas de la même façon. Par mon parcours imparfait, il m'est impossible de juger le cheminement de deuil d'un autre. J'ai développé la patience et le respect du rythme de chacun. Je n'ai trouvé image plus forte que de comparer le deuil à un chemin de Compostelle intérieur. À imaginer ce parcours difficile comme un chemin parsemé de sagesse et d'imperfection, un passage obligé permettant de redécouvrir de nouvelles forces en soi. Un cheminement dans lequel même la volonté de tout contrôler ne peut que créer le chaos. Chaque parcours est unique. Je ne prétendrai aucunement détenir des réponses, des solutions, ou que vous vous retrouviez dans chacun de mes récits. Mais je désire vous prêter mes mots afin d'y ajouter votre propre couleur et redéfinir vos états de deuil, à l'intérieur desquels, trop souvent, les mots nous manquent. Je suis honorée de vous accompagner ici, par mes mots et ma voix.